Bonjour à tous, bienvenue à une édition spéciale de la bande de débiles. Je vais me rapprocher ça un peu comme ça pour que le son soit bon. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Les nouvelles que j'ai à vous partager aujourd'hui sont désastreuses. Vous savez que ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un clickbait, ce n'est pas une manière de vous attiser ni d'essayer de vous convaincre d'écouter cet épisode-là de la bande de débiles. C'est simplement que c'est un épisode qui est désastreux. À partir de là, évidemment, vous avez la responsabilité de prendre conscience, de faire prendre conscience aux gens que vous aimez, qui vous entourent, qui sont hypnotisés. Vous devez les brasser le plus fort possible, le plus rapidement possible, afin d'être capable de les sortir de cette torpeur-là, de cette inertie qui les met en péril. Alors, j'ai pas le choix de vous dire qu'en ce moment, avec les nouvelles que je vais vous annoncer, c'est réellement une responsabilité que vous avez que de sauver les gens qui sont encore pris dans un mutisme. La nouvelle a pris forme aujourd'hui. J'ai reçu ça dans mon courriel, dans Messenger, et on m'a transmis le message et on m'a dit « Regarde, il y a quelqu'un qui t'a envoyé ça, un message de Maxime Ouimet. » J'espère que vous avez déjà pris connaissance de ce message-là. Si vous ne l'avez pas pris, eh bien, c'est Maxime Ouimet, le policier du peuple, que vous savez qui en ce moment est à Tampa Bay. En fait, il le dit lui-même, il est à Tampa Bay. Et il nous mentionne que sur le site du gouvernement du Canada, il y a une appel d'offres afin d'être capable de recruter des gardiens pour des camps COVID. C'est ça, la nouvelle. La nouvelle, si vous ne l'avez pas compris, si vous n'avez pas compris à quel point cette nouvelle-là est tragique, si vous pensez simplement que c'est juste une autre petite nouvelle qui fait chier, comme si c'était de la corruption ou de l'évasion fiscale, ou que François Legault avait pris des fonds pour monétiser sa page personnelle Facebook, ou que Justin Trudeau a encore envoyé de l'argent en Ukraine, provoquant encore une fois de l'inflation sur le pays, ou qu'il y aurait peut-être une autre vague d'une maladie qu'on connaît pas l'année prochaine. C'est un niveau de gravité qui est beaucoup plus élevé. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les camps COVID, les camps quarantaine canadiens n'ont, dans un premier temps, aucune raison d'être. On n'est pas dans un pays où on a besoin d'avoir des camps COVID. Deuxièmement, vous le savez, j'ai toujours défendu le fait que je ne suis pas pro-choix. Au-delà de ça, je revendique le fait qu'il n'y a jamais eu de pandémie. Mais je ne suis pas le seul. Même les sénateurs américains étaient sortis en conférence de presse demandant des questions, à savoir qu'est-ce que justifie qu'on appelle ça une pandémie? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est rendu en zone rouge? Qu'est-ce que justifie les lockdowns? On ne comprend pas pourquoi est-ce que ça s'est appelé une pandémie quand ça aurait pu s'appeler une grippe. Toutes ces questions-là justifient le fait et alimentent le fait que je ne crois qu'on n'a jamais fait face à une pandémie. Lorsqu'on comprend qu'on n'a jamais fait face à une pandémie, lorsqu'on comprend qu'en ce moment, on a des gens qui sont malades à cause qu'ils ont accepté de se faire injecter. D'ailleurs, toutes mes pensées sont avec quelqu'un qui, aujourd'hui, m'a texté et qui m'a annoncé, sans doute plein d'émotions, qui a été obligé d'accepter une injection. Je vous le dis, c'est un ami proche. De me faire annoncer ça, évidemment, je me suis dit, mais je peux pas croire. Dans un premier temps, qu'il me le dit. Je me dis, la dernière personne à qui tu veux dire que tu as reçu un vaccin, c'était Tristan. Et la raison pour laquelle il me l'a dit, c'est parce qu'il l'a reçu hier. Et depuis hier, il est affreusement malade. Incapable de sortir de chez lui. Incapable de vaquer à ses occupations. Ce n'est pas une légende urbaine cette fois-ci. Ce n'est pas une histoire d'une histoire. Ce n'est pas un ramassis d'informations que je prends sur l'Internet de personnes que je connais pas, peu ou du tout. C'est un ami proche qui m'a confié avoir dû se faire vacciner pour des raisons personnelles. Il a cru jouer à la loterie. Aujourd'hui, il est gravement malade. En prenant pour acquis que la pandémie n'est pas une pandémie d'un virus qui nous a attaqués, mais une pandémie de vaccins que les gens ont pris, la question est, pourquoi un camp COVID? Eh bien, déjà, dans un premier temps, la question du pourquoi un camp COVID, pourquoi un camp quarantaine se pose. En prenant pour acquis qu'il y aurait une pandémie. En prenant pour acquis que cette pandémie-là, c'est une grippe, une grosse grippe. Ou une petite pour certains. Ou un rhume pour d'autres. Ben, c'est pas parce qu'on est en 2022 qu'on traite les gens différemment. Si un masque n'est pas une barrière à un virus, aucune raison de demander aux gens de porter un masque. C'est pas parce qu'on fait affaire avec quelque chose que tu as décidé de mettre un nouveau nom puis de dire que c'est super différent, que soudainement quelque chose de plus dangereux aurait une première barrière avec quelque chose qui fonctionne moins bien. Dans un second temps, si on souhaite soigner des gens, on bâtit des hôpitaux, on fait des cliniques. Hein, comme on l'avait vu lorsqu'on était dans la théâtralité de la supercherie, au départ, on mettait des tentes devant les hôpitaux parce qu'on s'attend à voir beaucoup de gens. Et lorsqu'on est devant des hôpitaux, on a affaire à quoi? Aux ressources de l'hôpital. Les ambulances qui partent et qui viennent de là. Des médecins qui travaillent dans le building, des infirmières. Il y a plein de médicaments dans le building, de l'équipement. On est capable de soit sortir des gens ou soit d'en rentrer pour les mettre sur des machines. Si c'était vraiment le cas. Je le répète, je ne suis pas pro choix. Je considère que les gens qui se font vacciner le font parce qu'ils n'ont plus de choix. Comprenez-vous les enjeux du fait qu'il n'y a pas de pandémie, qu'il n'y en a jamais eu, que les hôpitaux n'ont jamais débordé? Êtes-vous capable de faire le lien avec un camp de quarantaine maintenant? À quoi bon un camp de quarantaine dans un monde dans lequel on essaie d'intervenir sur techniquement des malades? Je vous rappelle, des malades, ça se compte des poignées. Et si on est réellement ludique, on est en droit de se demander si ces malades-là qu'on a collés COVID n'avaient pas juste plein d'autres affaires. De la vieillesse, des cancers, peu importe. Ou des vaccinations. Là, maintenant, tu vas me dire que ta population, tu l'aimes tellement que tu ne veux pas les envoyer ni dans des cliniques publiques. Et ces 3S, tu ne veux pas les envoyer dans des cliniques privées. Privatiser des cliniques privées, demander à des docteurs de servir la population qui se présentera, peu importe. Tu ne veux pas les servir dans des vieux hôpitaux comme l'hôpital Saint-Luc, l'hôtel Dieu. Tu ne veux pas les accueillir non plus au CHUM. Tu ne veux pas non plus faire des tentes devant le CHUM ou Saint-Luc. Notre-Dame. Non, l'idée que génie que tu as eue, c'est faire des camps en campagne. Si vous voyez bien. Ça, c'est des camps COVID. Sérieux en tabarnak. Quand quelqu'un de malade, tu l'envoies super loin de la population dans des containers blancs. Puis il y a 4 camps comme ça dans la ligne médiane. Vous en rappelez de la fameuse ligne médiane? Dans l'appendice canadien. Là, dans la zone Toronto, Kingston, ainsi de suite. Là. Il y a 4 là-dedans, les gros camps COVID. Ça, c'est un camp canadien. Voulez-vous que je vous montre à quoi ressemble un camp chinois? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à tabarnak. Je trouve pas que ça ressemble. C'est-tu le même fournisseur? C'est-tu le même ingénieur? C'est-tu le même architecte? Je ne vous ai pas dit que c'était une émission spéciale, une édition spéciale pour rien. C'est parce que ce que j'ai gratté, ça fait froid dans le dos. Fait que là, moi, en ce moment, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est les Chinois qui ont eu le contrat de bâtir les camps COVID au Canada? Voulez-vous savoir à quoi ça ressemblait, un camp de concentration? Ça, c'était Auschwitz. Entends-tu que c'est la même émotion? Ça, c'est le camp de concentration juif dans lequel on a brûlé 6 millions de juifs. Ça, c'est les camps de quarantaine canadiens. Ça, Ça, c'est des camps de quarantaine chinois. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Fait que là, ces recherches-là, je vous répète, c'est la genèse. Ça a commencé avec Maxime Ouimet, qui poste sur son compte TikTok que le gouvernement du Canada recherche des gardes de sécurité, une offre d'emploi. Il dit que l'avis de publication a été lancé le 24 août 2022 et que ça se terminera le 12 septembre. Son post mentionne que the Public Health Agency of Canada has a requirement for risk management and security services to support its duty of care of its designated quarantine facilities located in York, Toronto, and Alton in Ontario. Alors là, avant de décider de faire une édition spéciale puis de faire oyez, j'ai vu le post de Maxime Ouimet sur TikTok, fait que j'ai la nouvelle du siècle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est pas un post au bureau, un vidéo que je fais du bureau, c'est pas un live que je fais en mode membre de débile, non. Il y a pas de toune, il y a rien, pas de perruque. Avant de partir en live en disant que j'ai une super belle nouvelle à vous annoncer, je me suis dit, je vais faire mes recherches. Fait que j'ai commencé à gratter sur les sites du gouvernement du Canada. Il y avait certaines informations qui étaient très grosses sur le poste de Maxime Ouimet. Et c'était ici. Je suis à l'envers, hein? Je me suis pas reviré. Je m'en excuse. Bing! C'était le numéro de sollicitation. 6D112-224-366/A. Je vais sur le site du gouvernement du Canada, je rentre ça. Non. Moi, sur le site du gouvernement, je mets l'offre d'emploi, Guard Services, Tender Notices, rien. Et cela, c'est dans la barre de recherche de Maxime Ouimet que je me suis rendu compte, en tout petit, en haut, que c'est effectivement sur un site du gouvernement du Canada. Par contre, c'est canadabuys.canada.ca. CanadaBuys, pour comprendre, c'est l'équivalent de Sam.org. Aux États-Unis, il y a un site qui s'appelle Sam.org. Sam.org, c'est un site de contracteurs indépendants qui peuvent bider, répondre à des appels d'offres en lien avec le gouvernement. C'est des appels d'offres qui, souvent, vont être plus petites que ce que les majors, par exemple, Lockheed Martin, vont vouloir accepter. Lockheed Martin vont vouloir, par exemple, prendre des appels d'offres pour des contrats de 100 millions et plus. Bouge pas en bas de ça. Et, ben, il va y avoir des appels pour des deals. Des contrats qui vont valoir 100 000, 2,5 millions, 12 millions. Et là, des plus petits contracteurs vont pouvoir se présenter. Sam.org, c'est une plateforme américaine où vous êtes capable de, des fois, faire des t-shirts pour l'armée américaine. Être capable de vous occuper de la sous-traitance d'un service de ménage, des choses comme ça. C'est un service que je connais bien, Sam.org. CanadaWise.canada.ca est l'équivalent de Sam.org. C'est la plateforme sur laquelle les contracteurs canadiens peuvent bider. Donc, je fais un correctif, mais je veux pas prendre Maxime Ouimet au mot. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste approfondi. Maxime Ouimet, j'ai eu l'impression qu'il faisait allusion à des offres d'emploi. Ce n'est pas une offre d'emploi qui est présentée sur le site. Non. C'est une appel d'offres à un contracteur général afin de sous-contracter un service. Et là, bien évidemment, c'est dans le diable que se cachent les détails. Parce que, dans un premier temps, effectivement, la notice numéro 6D112-224-366/A existe sur le site canadabuys.canada.ca. Elle s'appelle Guard Services. Elle est active, évidemment, depuis le 24 août. Elle sera terminée le 12 septembre. Et l'organisation qui est responsable de ce poste-là, parce que le Canada, ça a beaucoup de chapitres, ça a beaucoup de chapeaux, c'est Public Health Agency of Canada. Donc, ce qui est de toute beauté, c'est que les organismes qui vous forcent à prendre des vaccins que vous n'avez pas besoin, qui créent des lockdowns, des couvre-feux qui vous ont empêché de célébrer Noël, de passer l'Halloween, de voir vos proches, qui vous ont distancié de vos vieux qui sont morts dans leur dèche, dans leur marde, dans des CHSLD, c'est l'Agence canadienne publique de la santé. Et c'est cette même agence-là, the Public Health Agency of Canada, qui poste la notice 6D112-224-366-A sur le site du gouvernement du Canada, plus précisément, canadabuys.canada.ca. Alors, on clique sur l'offre, qui n'est pas une offre d'emploi, je vous le rappelle. C'est une offre, une notice ouverte afin de trouver un contracteur général qui, lui, va prendre la responsabilité de la sous-traitance afin de fill it out. Le mandat qui est un mandat de fournir des gardes de sécurité. Alors là, déjà, je prends l'aval au bon sur ce que je viens de vous dire. Dans un monde normal, en prenant pour acquis qu'il y aurait vraiment un virus, que je répète, que je ne crois pas pour 5 cents qu'il y en a un. Y a-t-il des rhumes? Oui. Y a-t-il des grippes? Oui. Y a-t-il une pandémie? Non. Dans un monde où il y aurait vraiment une pandémie, soyons bons joueurs. Vous êtes le gouvernement du Canada et vous souhaitez de tout votre cœur protéger votre population. Est-ce que vous allez choisir des camps qui sont calqués sur les camps de concentration d'Auschwitz? Je vous rappelle, ça c'est Auschwitz. Ça, c'est les camps canadiens. Ça, c'est les camps chinois. Camps canadiens, camps chinois. Ça ressemble à un calice. Est-ce que vous allez choisir des camps dans des régions éloignées pour cacher votre monde, enfermer votre monde? Ou vous allez choisir des hôpitaux, des cliniques? Dans un second temps, si le but était de protéger la population, est-ce que vous allez choisir d'engager des gardes ou des médecins ou des infirmières? Qu'est-ce que vous choisissez, vous? Vous êtes un premier ministre, un président de pays, vous êtes le président de la 5e République, vous êtes Macron, vous êtes le président des États-Unis, vous êtes le premier ministre du Canada ou le premier ministre du Royaume-Uni. Vous avez la responsabilité de protéger votre population. Vous avez eu des dires comme quoi qu'il y aurait un virus qui pourrait affaiblir les personnes âgées. Est-ce que vous choisissez de bâtir des camps de concentration dans des containers? Ou est-ce que vous choisissez des hôpitaux? Est-ce que vous choisissez de protéger la population avec des gardes de sécurité ou vous choisissez des infirmières et des médecins? Maintenant, on va lire l'offre. Est-ce que je lis? J'espère que je lis. Ce serait tragique que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas imprimé. Je vais lire l'offre. Le premier mot, c'est Trade Agreement. Vous savez pas c'est quoi? Watch out. Canadian Free Trade Agreement, CFTA. Canadian Free Trade Agreement, c'est la première ligne en titre. Tendering procedures. Supplier on permanent list or able to meet qualification requirement. Competitive procurement strategy. Best overall proposal. Comprehensive land claim agreement. No nature of requirement. Risk management and security services for designated quarantine facilities in Ontario. C'est le besoin qu'ils cherchent à combler. Je le répète, risk management and security services for designated quarantine facilities in Ontario. J'ai fait 4%, là. J'ai déjà bien trop d'informations. Je voudrais vous parler de 48 affaires. La première affaire, c'est que le contracteur général qu'on recherche, la première chose qu'on state, c'est que, hey, by the way, c'est sous le CFTA, le Canadian Free Trade Agreement. le traité de libre-échange. On n'est pas en train, premièrement, d'essayer de trouver un employé canadien. Non. On n'est pas en train de recruter un agent de sécurité Garda. Toi, t'es chez vous, tu veux appliquer ce job-là, ça. T'es même pas là encore. Là. La deuxième chose, c'est que c'est pas juste les entreprises canadiennes qui ont le droit d'appliquer. Parce qu'on est sur le Canadian Free Trade Agreement. Canadian Free Trade Agreement. On est en train de dire, on ouvre le contrat à des compagnies internationales. Une coche en haut, là tu veux l'attirer sur le Sunday. Competitive Procurement Strategy. Best Overall Proposal. La seule affaire quasiment sur laquelle tu vas être évalué, c'est à savoir si tu as la meilleure appel d'offres. Ça veut donc dire que tu pourrais avoir déjà reçu de l'argent, genre l'Ukraine. Fait que tu t'es déjà fait payer. Fait que tu pourrais bider, entre guillemets, pour une pièce. Puis amener des gens qui vont être des gardes, mais qui seraient peut-être aussi des soldats. Des travailleurs, des espions, de la police, de la Gestapo, du militaire. Mais ça peut être aussi la Chine. Est-ce que la Chine peut qualifier dans le CFTA? Aucune idée. Est-ce que l'entreprise qui peut bider étrangère, elle, n'aurait pas le droit de faire affaire avec la main-d'œuvre, qui, elle, aussi, serait étrangère? Parce qu'aux dernières nouvelles, si tu as aimé mon prix, mais à partir de ce moment-là, tu peux pas remettre en question la manière dont je réussis à te livrer. Ça se peut que ça soit tordu. Hein, voyez-le de la manière suivante. Ça se peut que, par exemple, CanadaBuys.canada.ca fasse un appel d'offres, puis ils disent, ben nous, on cherche une firme numérique pour être capable de pondre la nouvelle application ArriveCan. Parfait. Moi, Tristan, avec Hamptons Analysis, je décide de bider. Je suis une compagnie américaine. Ils disent, le moins cher va l'emporter. Super. Je te fais ton application pour 1 000 $. Ils disent, Chris, c'est le moins cher. Super. Bon, ben viens-t'en au bureau. OK. Tristan y arrive, il dit, mais il paraît que t'es arrivé avec 50 employés, 100 employés, 1 000 employés sont où? Ah, c'est pas des Américains. Moi, je suis venu des Indiens du Pakistan. C'est comme ça que j'ai été capable de te faire un bon deal. Tu m'as pris. Cool. Je suis en position de livrer. Cool. Mais tu peux pas remettre ma capacité de pouvoir te livrer le produit dans les conditions que tu as exigées, au prix que je t'ai donné. Le deal, c'est que c'est moi qui décide comment je te le livre. Ça veut donc dire qu'à partir de ce moment-là, on n'est plus en train d'essayer d'engager des Canadiens. Donc moi, Tristan, Hamptons Analysis, je pourrais déposer un appel d'offres au gouvernement du Canada sur canadabuys.canada.ca et j'ai juste besoin d'être 1 $ moins cher que le moins cher, puis je pourrais gagner et mes sous-traitants pourraient. Pourraient être des ex-militaires d'agence chinois avec lesquels j'aurais pu avoir négocié un très bon deal. Puis c'est eux que j'amène sur le territoire. Qui a rempli l'appel d'offres? C'est moi. Qui livre le service? C'est eux. Toi, tu voulais appliquer là-dessus? T'es pas dans le game, mon petit Québécois. T'es pas dans le game, mon petit Canadien. Non, je suis désolé. C'est pas ta game à toi. The bid solicitation is issued against the Guard Services Supply Arrangement, the SA. The PWGSC file number EN578210714. All terms and conditions of the SA apply and must be incorporated into the resulting contract. This requirement is open only to suppliers who are pre-qualified under the above-mentioned SA. Alors, ça veut donc dire qu'il y a des gens qui devaient être pré-qualifiés avant. Donc là, je vous rappelle, il y a une appel d'offres minimum. Elle ouvre le 24 août à ferme le 12 septembre. Une appel d'offres de 3 semaines. C'est soit que ça presse en tabarnak d'avoir ces gardes-là, puis ils n'ont pas jusqu'au 14 septembre, puis ils viennent de réaliser en retard qu'ils avaient besoin de plein de monde. Ils n'ont même pas le temps d'engager des Canadiens, ils font affaire avec des firmes expertes, puis ils ouvrent même au traité de libre-échange international pour être capable d'avoir le plus de candidats possible le plus vite possible. Ou ben non, c'est qu'ils veulent pas que la job reste ouverte ben ben longtemps. Parce que déposer un projet comme ça, le gouvernement fédéral qui veut voir des appels d'offres internationales pour être capable de combler un dossier si sensible, si controversé, où j'ai 1000 questions à poser, pour amener des gardes dans des camps de quarantaine COVID lorsqu'il n'y a pas de quarantaine, pas de COVID, pour supposément combattre une pandémie quand il n'y a pas de pandémie, puis que si jamais il y en avait une, je préférerais voir des médecins et des infirmières. Tu t'es pas donné 1 an comme délai. Tu t'es donné 3 semaines. Puis en plus, tu demandes aux contracteurs d'être préqualifiés. Ça veut donc dire que si jamais demain matin Garda arriverait puis disait, ben nous autres on est prêts à fournir des gardes, c'est ça notre vie. Garda, on a plein de gardes à travers le pays, on est bon là-dedans. Ah, mais t'as-tu été préqualifié avec le Supply Arrangement PWGSC File Number EN578 trait d'union 210-714? Non. Non, j'ai pas ça. Non, j'ai pas ça. Mais je vais aller le chercher! C'est 1 an et demi être capable d'aller chercher ça. C'est long, les délais administratifs, puis surtout, due to COVID-19, ça peut encore prendre plus de temps. Mais là, comment tu veux que j'applique, Chris? Désolé, c'est vraiment les procédures administratives. Il y en a un qui apparaît dans le portrait, hein, lui, disait. Hey, I'm Joe Smith. Et j'ai konnichiwa. Qui lui est prêt à travailler pour moi avec toute sa gang. C'est bien drôle, parce que le EN578-210-714, je l'ai. Mais ça, t'as ça, toi? Et pas. Petite mouche qui m'a piqué. Petite mouche qui m'a piqué, je me suis dit que ça vaudrait à peine en début d'année 2021 que j'aille me chercher ça. Mais comment tu savais que ça allait exister? Bon. C'est un délit d'initié? Non. Moi, je cours après des licences qui n'ont pas rapport demain. Moi, je suis un entrepreneur. T'as-tu déjà fait ça, de la sécurité? Jamais. Tu travailles dans quoi? Dans le médical. Tu travailles dans le médical puis t'es allé te chercher un Supply Arrangement PWGSC File Number EN578-210-714. Ouais, je suis un passionné de licences. Fait que si t'es un passionné de licence, tu dois être allé en chercher plein d'autres? Non, juste celle-là. Il y en a combien d'autres, des gens comme toi, qui sont allés chercher ça? Le PWGSC File Number EN518, trait d'union 210-714? J'étais tout seul dans ma classe. Tu me niaises-tu? Mais tu vas rire en tabarnak. Fait que là, t'es le seul, fait que tu vas charger une fortune? Pas en tout. Je charge rien pas en tout. Pourquoi? Parce que je vais vous prouver que je suis moins cher. Un beau petit service de merde. One contract may be issued as a result of this bid solicitation. The Public Health Agency of Canada has requirement for risk management and security services to support its duty of care at its designated quarantine facilities, qu'on appelle le DQF. Ils ont déjà leur petite abréviation. Ça s'appelle un DQF. A designated quarantine facilities. Quelqu'un qui a la grippe, ça s'en va dans un DQF maintenant. Je vais te dire une affaire, mon chum, arrange-toi pas pour pogner la grippe. Il n'y a pas un docteur là-bas. Puis tant qu'à moi, c'est un genre de Guantanamo, t'en sortiras pas. And it's located in York, Toronto, and Alton in Ontario. The period of the contract is from contract award to August 31st, 2023. Inclusive, with the irrevocable option to extend the term of the contract by up to 4 additional 3 months period under the same condition. Donc là, si je comprends bien, le contrat, il apparaît comme ça. Le 24 août 2022, l'appel d'offres se termine roughly 20 jours plus tard, le 12 septembre 2022. T'as roughly 3 semaines, même pas, pour être capable d'arriver avec une appel d'offres. Faut que tu sois le moins cher, faut que tu sois le meilleur, faut que tu aies tes licences qui sont pas en lien avec ta capacité de quoi que ce soit autre que juste avoir la licence de faire le calice. Tu peux venir à de l'international. Entre toi et moi, depuis quand le Canadien est moins cher que l'Américain, puis le Chinois, puis le Bangladesh? Quand est-ce que le Canada est arrivé en dessous comparativement à la Chine? Depuis quand la Chine est plus chère que le Québec? Je vous rappelle que cet appel d'offres-là est sous le Trade Agreement, le Canadian Free Trade Agreement, le CFTA. C'est quoi le pourcentage des chances que ce soit une compagnie canadienne qui réussisse à bider moins cher qu'une compagnie internationale? Là, je vous rappelle, on cherche à mettre des gardes de sécurité dans des camps COVID canadiens qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des camps COVID chinois. Qui avait gagné l'appel d'offres des camps COVID? Y a-t-il eu un appel d'offres ou ben non, c'était mesure exceptionnelle? Circonstances exceptionnelles. C'est-tu Alcan qui a fourni l'aluminium? C'est qui a fourni les camps COVID? Parce que si tu me le demandes, la Chine n'avait pas besoin de faire d'appel d'offres, eux autres. Ils savaient parfaitement ça venait d'où? Ça venait de la Chine. Ils sont moins chers que tout le monde. Ils sont pas mal sûrs de ça. On dirait qu'il y avait le calice d'un même supplier. C'est déstabilisant, hein, parce que ça, c'est le camp de concentration Auschwitz. Camp de concentration nazi. Là où on a gazé 6 millions de Juifs. Même tabarnak de feeling. C'est là qu'on va soigner du monde. Puis comment ça se fait que sur la courte liste des pays mongols, le Canada puis la Chine sont à peu près au même rythme pour bâtir quelque chose qui se ressemble comme deux gouttes d'eau dans le même but? Comment ça se fait que j'ai l'impression que c'est la Chine qui a fourni l'équipement pour bâtir les camps COVID? Puis comment ça se fait que j'ai l'impression que c'est la Chine qui va fournir la main-d'œuvre pour des gardes de sécurité? As-tu de l'air plaisant de se faire soigner là-dedans, toi? Je veux dire, les Autochtones dans le Grand Nord, ils ont des écoles de même, puis on dit que c'est le tiers-monde. Les Autochtones dans le Grand Nord y enseignent à leurs enfants dans des cabanes d'eux-mêmes. Et on regarde ça de notre œil extérieur, puis on dit c'est le tiers-monde. Là, ça, c'est chez vous, chose. Dans la province la plus riche, la plus grosse, c'est dans cette province-là qu'il y a le Parlement. C'est dans cette province-là qu'il y a au-dessus de 50% de la population du Canada. Le contrat entrera en vigueur le 31 août 2023. Roughly en date d'aujourd'hui. Ce qui veut donc dire que ce qui va être attribué dans les deux prochaines semaines, ça a commencé il y a une semaine, ça finit dans deux semaines. T'as rendu compte à quel point c'est vite? On veut même pas que tu t'en rendes compte. Ça aurait fait leur affaire en sacrament si on n'avait pu jamais le voir. Parce que ça aurait disparu du portail et on l'aurait jamais su. Dans deux semaines, la fatalité du contrat sera attribué à une entreprise qui va commencer en 2023. Ils savent qu'en 2023, ils vont avoir besoin d'une agence privée internationale pour garder des camps de concentration de quarantaine. Tu veux-tu m'expliquer quel genre de Nostradamus ils ont, eux autres? Eux autres sont en train de combattre une pandémie, ils sont pas en train de se demander si ils ont besoin de plus d'infirmières, ils sont pas en train de faire des appels d'offres pour dire on engage dans des CHSLD, ils sont pas en train de rien de tout ça. Ils sont en train de recruter des gardes pour garder des camps de quarantaine de concentration COVID pour dans un an, à la fin de l'été prochain. Quand tu vas avoir eu encore ton 3 mois de break. Parce que pendant 9 mois avant, tu vas t'être fait voler l'Halloween, Noël, le jour de l'an, tu n'auras pas eu le droit de voir ta famille, il va avoir eu des couvre-feux, puis même un chien, ça servira pas après 7 heures. Tu auras perdu la garde de tes enfants, il y a belle lurette depuis ce temps-là. Le monde qui sont à 4 doses aujourd'hui vont arrêter puis ils vont pas vouloir leur 6e. Parce que je te rappelle que Moderna, Johnson & Johnson bâtissent des usines à vaccins, puis t'en as 9 autres shots dans le cul à te rentrer d'ici 18 prochains mois. Fait qu'ils savent qu'ils veulent continuer à te vacciner. Ils savent qu'il y a une pandémie dehors que personne n'a jamais vu de calice. Ni toi, ni moi, ni personne. Tu peux mettre 12 calices de mon oncle mongol, un en avant de l'autre, ils vont te parler de la pandémie en jurant sa tête à leur main qu'elle existe. Il n'y en a pas un tabarnak qui l'a vu. Tout ce qu'ils ont vu, esti, c'est des points rouges au IGA. Tout ce qu'ils ont vu, calice, c'est des petits masques bleus avec les étoiles du Parti rouge communiste chinois. Tout ce qu'ils ont vu, sacrament, c'est de la propagande. Tout ce qu'ils ont vu, esti, c'est des annonces de Legault à TV. C'est rien que ça qu'ils ont vu, sacrament. Mais esti, ils vont jurer sa tête à leur main par leurs enfants, puis ils vont t'amener, esti, leurs enfants de 5 mois pour se faire vacciner. Ils hallucinent du moche, calice. Dans un an, ils savent qu'ils ont besoin d'avoir tellement de gardes qu'ils font l'appel d'offres un an d'avance. Pourquoi est-ce que cet appel d'offres-là n'est pas comblé par des jobs canadiennes? Pourquoi est-ce que ces gardes-là auront la possibilité d'être des étrangers qui parleront peut-être même pas le français ni l'anglais? As-tu le luxe de risquer d'avoir des Chinois qui parlent pas un mot de français puis d'anglais comme garde de sécurité, de garde de camp de concentration de quarantaine COVID? Calisse! T'as-tu même le luxe de te demander si ça va être des Chinois? Quand tu regardes la différence entre des camps de concentration canadiens puis des camps de concentration chinois. T'as-tu le luxe de te demander si on va soigner les gens? Quand tu regardes Auschwitz, là, où on gazait des Juifs, puis tu regardes leur camp quarantaine. Y a-tu de l'air à avoir un de ces deux endroits-là qui soigne des gens? De toute façon, est-ce qu'à la base, soigner des gens, ça devrait pas être dans un hôpital par une infirmière et non pas dans un camp de quarantaine avec des gardes? Calisse! Non, je ris pas. J'ai du sang dans la gueule. Tabarnak! C'est qui les hosties de Mongols qui sont pas arrêtables? Il est où le piton, hostie, pour qu'ils arrêtent ces sacrements-là? S'ils savent qu'ils ont besoin d'avoir des gardes, puis ils font des appels d'offres à l'international, sacrement, un an d'avance, eux autres sont sûrs qu'en 2023, en août, ils ont besoin d'avoir des gardes. C'est parce que ça arrête pas, on est d'accord. On est en train de te faire croire qu'ils vont débarquer de la COVID, puis qu'ils vont triper sur l'environnement, puis sur le climate change. Mais si c'est tellement pas ça qui arrive. Ils le savent que l'année prochaine, ça leur tente en tabarnak d'en avoir une calisse de pandémie. Encore! Puis si t'es en santé, crée-moi le backstory et plein de seringues pour te rendre malade. Encore! This bid solicitation allows bidder to use ePost Connect services provided by Canada Post Corporation to transmit their bid electronically. Bidder must refer to Part 2 entitled Bidder Instruction and Part 3 entitled Bid Preparation Instruction of the bid solicitation for further information. Il reste exactement 11 jours. J'ai printé cette feuille-là il y a à peu près une heure. Il reste 11 jours. 19h, 13 minutes. Si jamais tu penses être moins cher qu'un Chinois. J'avais imprimé, je l'ai malheureusement oublié. Je vais regarder une deuxième fois. J'avais imprimé le Canadian Free Trade Agreement. Complémentaire, ces trois nouvelles-là. 4, 5, 6. Elles sont toutes bonnes. Ça tient pas la route. Moi, ce que je vous dis qu'est-ce qui va se passer avec Tristan là, dans les prochains jours. Ce que je vais faire, c'est que je vais contacter. Je commence quand même à être bien installé aux États-Unis. Je vais faire aller mon réseau de contact. Pas plus tard qu'il y a deux mois, j'étais assis au Breaker Hotel et il y avait un rassemblement des Républicains. Des journalistes de Fox sont venus me demander mon stylo. J'ai jasé avec eux autres. Je vous rappelle que la Floride, c'est un État républicain. 80% des gens portent l'arme. Tu peux avoir un concealed weapon. Home and land of Donald Trump. Mar-a-Lago, the Winter White House, c'est la Maison Blanche de Donald Trump, qui est Mar-a-Lago, qui se trouve à Palm Beach. Il y a des choses en Floride qui ne se passent pas ailleurs, en Arkansas, en Oregon, en Ohio. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à remuer ciel et terre pour sensibiliser les Américains, à qu'est-ce qui se passe au Canada. Je vais essayer de contacter Joe Rogan. Je vais essayer de contacter Fox. Je vais essayer de contacter WPTZ. Je vais essayer de contacter des journalistes, des gens politiques. Vous ne le savez pas, mais ça fait quelques mois que j'ai un petit vidéo secret. Un petit vidéo secret où Sarah Palin, Donald Trump Jr. et quelques autres me font un petit big up d'encouragement. Je ne l'ai toujours pas montré, je trouvais que c'était trop arrogant. Je me suis dit que certaines personnes ne comprendraient pas. Mais je crois que c'est l'heure. C'est l'heure parce que là, je considère qu'il est trop tard. Si en 2023, les gardes étrangers auront le mandat de garder des Canadiens en santé dans des camps COVID, fait juste enlever COVID. Ça veut donc dire qu'il y aura des étrangers au Canada qui garderont dans des camps de concentration des Canadiens sur leur propre territoire. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas laisser faire ça. Je lance un appel de solidarité aux télé et aux journaux, comme Radio-Canada, comme le groupe TVA, le journal La Presse, Le Devoir, le journal de Montréal, Cube Radio, le 98.5. C'est un appel à l'aide d'un Québécois qui, oui, a quitté le territoire il y a de ça très longtemps, mais qui, à travers la lunette of the land of free, constate que son pays est malheureusement sous le joug de la dictature. Justin Trudeau est inapte à continuer à gouverner le pays. François Legault n'est qu'un de ses servants. Ces gens-là doivent être, le plus rapidement possible, impeachés. Ils doivent être remplacés coûte que coûte. Ils ne peuvent pas être remplacés par pire. Lorsqu'on a Hitler au pouvoir, on ne peut pas vraiment avoir pire que Hitler. Ces gens-là doivent, dans un premier temps, quitter. J'en suis même pas encore à parler des crimes contre l'humanité qu'ils auront perpétrés ou du copinage, de l'évasion fiscale ou des fraudes monétaires qui auront été perpétrées sous leur mandat. Je suis simplement en train de dire que ces deux personnes-là doivent quitter rapidement leur position. Peu importe qui les remplacera, on doit déstabiliser l'establishment. Justin Trudeau doit devoir démissionner. Les médias, vous avez une responsabilité historique. Vous avez la responsabilité d'être conscient que vous ne gagnerez rien. C'est un Tristan très humble qui aujourd'hui fait un appel dans l'amour, à la réconciliation. Je demande à des gens qui ont gagné mon mépris au cours des dernières années de se rallier derrière la population. Si Guy Lepage ou Julie Snyder ou Patrick Huard sont conscients de ce qui se passe, vous avez une responsabilité historique. Si Paul Larocque, Mario Dumont, Patrick Lagacé ou Richard Martineau, vous comprenez qu'est-ce qui se passe, vous avez une responsabilité historique. On ne peut plus laisser aller. Ce n'est plus de la politique, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ce n'est plus que de l'évasion fiscale. On n'est pas simplement en train de discuter à savoir si c'est une récession ou de l'inflation. On n'est pas en train de discuter à savoir qu'est-ce que devrait être un meilleur monde d'éducation au Canada. De quoi devraient parler les manuels scolaires. Ce n'est pas un débat d'idées en ce moment. En ce moment, la maison brûle et vous devez impérativement appeler les pompiers. Vous n'avez plus le temps de sauver les meubles, de rouler les tapis, de faire les valises, il faut absolument mettre de l'eau sur le feu. C'est impératif. Justin Trudeau a vendu le Canada. Il l'a vendu à la pièce pour trop peu cher. C'est un opportuniste comme son père. François Legault, malheureusement, est au sommet de sa carrière dans ce délire-là. Ces deux personnes-là, je ne peux pas leur demander de se joindre à nous. Je sais parfaitement que ce n'est pas des gens qui peuvent se revirer de bord. Ils sont la raison pour laquelle le Québec et le Canada sont rendus là. Je ne peux pas vous offrir aucune garantie sur le taux de succès que j'aurai d'être capable de convaincre les grands intervenants américains de m'écouter. Je peux offrir zéro garantie. Du haut de ma tribune, avouons-le, je suis très peu. Mais je ferai l'effort de consacrer encore une fois du temps que je n'ai pas à essayer de faire en sorte qu'il puisse avoir un changement. Si je peux simplement être une courroie de transmission qui fera allumer des bougies d'allumage et qui mettra un peu de pression de l'international vers le Canada, ça leur a été ma très modeste part. Mais je ne peux offrir aucune garantie. C'est très possible que de la même manière que bien des projets entrepreneuriaux parfois ne voient pas le jour, que je ne sois pas capable d'avoir un taux de conversion satisfaisant. C'est la raison pour laquelle vous avez, vous aussi, le devoir d'être insupportable. Vous ne pouvez pas regarder une poignée d'individus bâtir des camps de concentration dans lesquels ils vous gazeront et rester en silence. Vous ne pouvez pas vous faire lancer des pelles par milliers et par dizaines de milliers par une petite poignée de gens où on vous demandera de creuser votre propre tombe. Vous savez comment on réussit à décimer une population avec le moindre effort? On s'achète une arme et plein de pelles. Avec une arme, tu es capable de tenir 100 personnes en joue. Tant que ces personnes-là ne se rendent pas compte que s'ils se mettent ensemble, il va peut-être en avoir une ou deux qui seront blessées, mais les 998 autres seront capables de t'enlever l'arme et regagneront leur liberté. Tant que la population ne se rend pas compte de la force du nombre et du pouvoir de l'unité, eh bien, l'arme réussit à intimider individuellement les 100 personnes. Avec 100 pelles, tu ferais creuser maintenant 100 trous. Lorsque les 100 trous sont complétés, tu demandes au premier de sauter dans le trou. L'autre, il donne un coup de pelle et il remplit le trou. Le deuxième, il se fait donner un coup de pelle par le troisième. Il tombe dans le trou, le troisième remplit le trou du deuxième. Puis à la fin, il te reste le centième. Puis tu tires la seule balle que tu avais dans ton gun. Il tombe dans le trou. Puis tu peux juste en remplir un seul. Puis ça t'aura coûté de simplement remettre de la terre dans un seul trou. Les 100 autres personnes auront creusé et rempli le trou par eux-mêmes. C'est ce qu'on peut voir comme technique qui a été employée dans plein de guerres. La technique du moindre effort, la technique du prédateur, la technique du dictateur. Vous ne pouvez pas accepter des camps de concentration sur votre territoire. Vous ne pouvez pas accepter lâchement que le Canada bâtissent des camps de concentration similaires à la Chine, sans faire l'allusion à Auschwitz. C'est encore une fois aujourd'hui, vous regardez l'émission de la bande de débiles et vous refusez de faire l'amalgame. Si aujourd'hui vous êtes un troll, que vous regardez l'émission que je viens de vous livrer et que vous refusez de comprendre qu'est-ce que j'ai essayé de vous dire, c'est pour vous, c'est plus satisfaisant d'utiliser des termes comme complotiste, coucou, au lieu de vous rendre compte que malheureusement vous aurez eu tort, Ben, vous méritez rien de mieux. Rien de mieux qu'aller vous faire gazer. Parce que vous avez été averti. Et non seulement vous avez fermé les yeux, mais vous aurez combattu les messagers, ceux qui combattaient à vos côtés votre liberté. La liberté que vous aurez lâchement abandonnée. Pour tous ceux qui n'arrêtent pas de dire que tu vas voir aux États-Unis, ça s'en vient. Il n'y a rien qui vient du Québec qui est transmis aux États-Unis. À part Céline, là, oublie ça. Relayé par Ben Shapiro. CNN News Boss, CNN New Boss cleans house to return far-left network to straight news roots. Il y a un nouveau dirigeant à CNN qui a été mis en poste et il calisse tout le monde dehors. Parce que je vous rappelle que CNN avait des cotes d'écoute le vendredi soir de 55 000 auditeurs. Je veux dire, VTV avait ça il y a 4-5 ans, entre 10 et 11 heures, pour 1500 piastres la demi-heure. Et j'ai refusé. Je trouvais ça ridicule d'avoir 50 000 personnes qui étaient peut-être des gens internés, hospitalisés, qui étaient obligés d'écouter VTV parce qu'ils n'étaient même pas capables de changer de poste dans leur CHSLD, de payer 1500 piastres pour une demi-heure. Non. Mais CNN, qui a accès à 400 millions d'Américains, a été capable de péter des cotes d'écoute de 55 000 auditeurs des vendredis soirs. Alors CNN s'est rendu compte qu'on fait une erreur dans les dernières années. Et au lieu d'être encore et pour toujours un parti d'extrême-gauche, il décide de redevenir un parti centriste. Et Fox, qu'on a considéré comme un parti d'extrême-droite, a gagné son pari dans les dernières années. Merci à Fox. Merci à Tucker Carlson. Merci à bien des gens de cette tenue debout. Et j'ai quasiment pas le choix de dire merci à CNN de corriger le tir et d'admettre ses erreurs. Le mort du jour. Capitaine de hockey junior majeur de la ville de Ayr en Ontario est mort à l'âge de 19 ans. Un autre joueur de hockey. Hier, c'était un joueur de hockey de 22 ans. Aujourd'hui, 19 ans. C'est relayé par Kevin Nielsen de Global News. C'est le mort du jour. Je vous rappelle qu'au show de la bande de débiles, on n'est pas là pour faire les saltimbangues avec les gens qui auront perdu des proches dû aux mesures dictatoriales sanitaires. On utilise l'information afin de faire en sorte qu'elle soit relayée convenablement et que des gens ne meurent pas pour rien. Relayé par le National Post. ICYMI. Authorities are on high alert in India as a new influenza virus, commonly known as tomato fever or tomato flu, has infected more than 100 children. 100 children fully vaccinated. Allez-vous arrêter de vous faire vacciner? Combien de fois je vous l'ai dit que c'était vous, le virus? À chaque seringue, vous êtes à la roulette russe. C'est soit que tu as de l'eau saline. Tu veux savoir si tu as eu de l'eau saline? Tu as eu une injection, tu n'as rien senti pantoute. Tu es rentré chez vous et tu as dit à tes chums, petite nature, moi j'ai rien senti, ça m'a rien fait. Comme ta gueule, tu as eu de l'eau saline. Ah, tu files pas. T'es pas bien pendant 3 semaines. Ah, t'as eu le vrai vaccin. Good job. C'est quoi le pourcentage? Aucune idée. 50-50? Une chance sur deux. Il y en a qui peuvent empoigner 3 faux back-à-back. Il y en a qui peuvent empoigner 3 vrais back-à-back. Tu sais pas. C'est une loterie. C'est ce qui fait en sorte que, grosso modo, dans l'entourage, c'est pas comme si le dernier vaccin tuait tout le monde. Ah non. Ça l'affecte des gens à différents niveaux. T'es sportif, t'es vieux, tu prends des médicaments pour les fils, hein? Puis il y en a qui ont des petits bonus. Hey, t'as le monkeypox. Hey, t'as la vaginite de l'autruche. Hey, t'as le diabète mangeuse de chair du bleuet. Hey, t'as la grippe de la tomate. Elle n'existe pas, la grippe de la tomate, dans la rue. Mais c'est quoi, là? Une tomate qui a rencontré un pangolin? Fucking bullshit, esti. Fucking bullshit. Parce que c'est tant important de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on appelle les fucking woke. Eh bien, de la même manière qu'on ne doit plus être capable de définir ce qu'est un homme ou une femme, ben non, parce qu'il y a 150 sexes maintenant. I'm fucking gender neutral. Ben aussi, il faut revendiquer d'autres choses. Le mot « race » n'existe plus. Ben non, parce que c'est la meilleure manière de ne plus avoir de racisme. Hein? Un Chinois qui n'aimait pas les Africains, t'as juste besoin de dire que le mot « race » n'existe plus, puis c'est instantané, il n'est plus raciste. C'est fou de même un « woke ». Surtout un « fucking woke ». Fait que maintenant, des gens comme Yann Barthès sont super fiers de passer sur le plateau de Quotidien puis de dire « le mot « race » a été retiré du dictionnaire Le Larousse ou Le Petit Robert ». T'as tout réglé, hein, mon Mongol? C'est comme dire qu'une fille, ça n'existe plus. Ça a tout réglé. Qu'est-ce que ça fait? Ça fuck tout. Tu mets des masques à tout le monde, on ne voit plus l'émotion des gens. Il n'y a plus de sexe, ouf, on est asexué. Il n'y a plus de race, hey, c'est-tu beau. Mais c'est-tu quoi comme... Plus de jardinage. It is time we ditch the word gardening. The term might seem inoffensive, but it's loaded with cultural baggage. Ferme donc ta gueule. Du plus profond de mon cœur. James Wong, calice. James Wong, tabarnak. Je vous rappelle que le journaliste québécois qui avait relayé la nouvelle qu'une juge ordonne à un père de famille de ne plus communiquer d'informations en lien avec les mesures gouvernementales sanitaires, le journaliste s'appelait Nguyen. Peut-être à cause qu'il n'y avait aucun tremblé qui voulait l'écrire, cet article-là. Je dis ça de même. Là, maintenant, vous allez comprendre comment est-ce qu'on tue l'économie. On tue l'économie de la manière suivante. Premièrement, en tuant les gens, en tissant le lien familial qu'il y avait, le sentiment d'appartenance aux familles. Ce n'est pas juste les gens qui refusent l'injection qui sont exclus des familles, c'est les familles qui se sont exclues elles-mêmes d'elles-mêmes. Parce que malgré le fait que tu ne te sois peut-être pas chicané avec ta sœur, tu ne t'avoues plus. Ton vieux père ne va pas le voir, tu pourrais le rendre malade. Si moi je vais le voir et il tombe malade, je ne veux pas que ça soit moi que tout le monde qui dise que c'est que moi qui ai eu la COVID. De toute façon, il est fragile. La meilleure preuve, si tu te fais vacciner, tu n'as rien regagné. Parce que les gens vaccinés ne se serrent pas dans leurs bras, portent le masque, ne se serrent plus la main. Ils ne célébreront pas Noël de la même manière qu'ils se sont fait voler les deux dernières années. Les familles ont été détruites. Les entrepreneurs ont été détruits. Les restaurateurs ont été détruits. Lorsque le mardi, on disait « Let's go, on fête Noël », puis que le restaurateur commande pour 10, 15, 20, 25, 30, 50 000 l'inventaire des queues d'homard, des steaks, de la salade, des légumes, des poissons. Puis que le jeudi, bang, non, c'est fini, on cancelle. Tu le savais, qu'est-ce qui se passait? Tu savais que si tu disais rien, il faisait juste se faire canceller Noël. Il faisait juste se faire canceller le jour de l'an. Mais qu'en disant le mardi que c'était ouvert, puis qu'en cancellant le jeudi, en plus de ne pas avoir de revenus, il perdait 10, 15, 20, 50. C'est comme ça que tu aimais dans la rue, les gens. Puis nous autres, pendant que le prix du gaz est à 2,89, 72 cents le litre, ben vous autres, vous faites manger votre argent. Vous autres, ils vous ont fait à croire qu'ils vous donnaient de la PCU, puis après ça, ils vous demandent de la rembourser. Fait que vos vacances de la construction, vous n'avez pas pu aller à votre roulotte apparent ou descendre à Floride ou à Plattsburgh. Vous n'avez pas l'argent, même si vous étiez vacciné. comme ça qu'on défonce une population. Puis tranquillement, sans s'en rendre compte, elle dit rien. Elle dit rien. Puis là, l'enfant, il va dire à son père, « Ça a mal été, là, j'ai été obligé de faire faillite avec le restaurant. » Ah, ben. C'était pas pour toi, gars. Moi, je t'avais prêté 20 000 là-dedans, puis t'as perdu mon 20 000. Tu devais pas avoir le talent que tu prétendais avoir. Ouais, mais c'est à cause de la COVID. En 1980, nous autres aussi, on a eu une crise économique. On a passé à travers. Mais non, c'était pas de ta faute. C'est de la faute à Legault. C'est de la faute à Trudeau. Les deux personnes que j'implore, les médias, la politique, la police, le militaire, de prendre action. Personne va gagner à laisser Trudeau à la tête du pays. Tout le monde va perdre. Allez en urgence, achetez, lisez, écoutez des films, des livres d'histoire relatant 39-45. Regardez la montée d'Hitler au pouvoir. Regardez les ficelles qui ont fait en sorte que l'Allemagne est tombée sous le joug de la dictature sans même que les Allemands s'en rendent compte. On est exactement dans le même template. On ne construit pas des camps de concentration comme ceux d'Auschwitz pour répéter la même erreur 100 ans plus tard. Je suis désolé, on ne fait pas cette erreur-là. Mais ça va aller chercher des faillites encore sur d'autres manières plus insidieuses. On provoque des faillites chez les restaurateurs. On provoque des faillites chez les particuliers. On mettait des taux d'intérêt super faibles avec un arrangement au niveau de l'immobilier où les gens overbidaient pour des maisons qui ne valaient pas ça. Les gens s'enflaient la tête à penser jouer au Monopoly. C'était le bon, c'était la crise, on achète. Tu tweaks les taux d'intérêt. On le disait, on le criait. Ils ont juste besoin de tweaker ça. 3%, 35% de la population va faire faillite. On parle même pas des entrepreneurs, on parle des particuliers. Fait que là, tu as des business qui font faillite, des restaurants qui font faillite, des particuliers qui font faillite. Le dollar vaut plus rien. Et là, on en rajoute une couche. Le gaz vaut trop cher. On te redemande ta PCU. My mom owns a small coffee. Her electricity bill has jumped from $12,000 a year to $64,000 a year. She's working out her options, but more than likely, she will be forced to close. Il ferait au niveau de l'énergie. On le voit, là. Emmanuel Macron met des gestapos en France, forçant les commerçants à ne pas climatiser leur commerce en pleine canicule. Prônant le climat, prônant Kyoto. Mais non, c'est pas ça, mon grand. C'est que l'Europe, t'es dans une guerre, Macron, puis il n'y a plus personne qui t'aime. Poutine tire les cordes, tire les ficelles. L'Allemagne a arrêté de t'approvisionner. Tes usines nucléaires sont rouillées. Tu repars au charbon, mon chum. Puis là, tu le sais que t'auras pas assez de bois pour chauffer cet hiver. Fait que tu restes, t'essayes de garder tes réserves pendant l'été. Parce que tu sais que tu as plus de chances d'avoir trop de morts trop vite à moins 40 qu'à plus 40. Puis vu qu'en France, il fait jamais moins 40, puis qu'il fait jamais plus 40, ben tu prétends des fausses canicules, puis après ça, tu prétends des faux changements climatiques, puis tu prétends des faux Kyoto. Mais tu sais que c'est plus simple d'interdire des commerçants de ne pas climatiser l'été que d'avoir une population entière qui ne sera plus capable de chauffer l'hiver. Tu n'auras rien à dire d'intéressant devant l'ONU à l'international. C'est ce qui arrive. En ce moment, on provoque des faillites avec des coûts à l'énergie qui sont trop élevés et qui font en sorte que des petites pâtisseries ne peuvent même plus survivre. Relayé par le Financial Post. Rents are so high in Toronto that students are living in homeless shelter. Après ça, tu es en train de me dire que le Canada fait partie du G20, toi, chose. Moi, je suis en Floride, dans le comté de Palm Beach. À Boca-Raton, il y a FAU. J'ai fait affaire avec le service scolaire pour à différents moments, engagé des étudiantes qui travaillaient à FAU. À FAU, c'est à peu près 16 000 par session. À peu près. Il y a un campus, 2 000 par mois. Les enfants n'habitent pas dans des campus universitaires. Ils habitent pas, les enfants n'habitent pas dans des homeless shelters. Ils habitent sur le campus. Comment est-ce que vous pouvez, dans un pays où l'éducation est gratuite, avoir tellement de frais que vous habitez dans des refuges pour sans-abri, les enfants? Comment, vous vous rendez compte qu'il y a des mensonges, parce qu'il y a des gens qui ont entendu les chiffres que j'ai donnés, les assurances, le prix de l'éducation, puis ils disent « on n'a pas les moyens de se payer ça ». Attends, comment ça se fait que tu n'as pas les moyens, chose? Je vais te l'expliquer, je l'ai déjà expliqué 1000 fois. Comment ça se fait que dans un pays où tu as l'éducation gratuite puis la santé gratuite, que des jeunes sont obligés d'habiter dans des refuges pour sans-abri tellement que les frais sont élevés? Ça n'a pas de sens. Comment ça se fait que dans un pays où tu as le système de santé gratuit, qu'on construit des camps COVID, des camps de quarantaine, puis qu'au lieu d'engager des infirmières, on engage des gardes? Puis qu'on recrute sur des programmes du CFTE à l'international. C'est parce que c'est des mensonges. Il n'y a pas d'éducation gratuite, il n'y a pas de healthcare gratuit, il n'y a rien des deux. Les deux sont trop chers, les deux sont insuffisants, les deux sont pas bons. Fait que là, je vais vous donner, par exemple, un scénario. Un entrepreneur, un individu. Je vous le rappelle, les impôts aux États-Unis, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière qu'au Québec ou qu'au Canada. Pour vous dire à quel point ça ne fonctionne pas de la même manière, tu as ce qu'on appelle la braquette 179. Le IRS, c'est comme on parle de la fiscalité, c'est un manuel de 80 000 pages aux États-Unis. Il y en a en asti de la braquette et de la patente à gosse. Avec du Roth, puis du 401, puis en veux-tu de la patente. Il y a du Mellon Entertainment, puis c'est compliqué, ça prend une vie. À moins que ton père te l'apprenne, être capable de faire une belle optimisation fiscale. Mais quelqu'un qui, par exemple, a un véhicule d'une valeur de 100 000, évidemment, je vous invite à consulter votre comptable ou votre fiscaliste avant de prendre toute décision si vous êtes aux États-Unis, mais quelqu'un qui s'achète un Cadillac Escalade à 100 000, et que durant l'année, son Cadillac Escalade va lui avoir coûté 20 000 $. Ben, à la fin de l'année, il peut retourner son Cadillac Escalade puis s'en racheter un autre. Et il va pouvoir amortir 100 % de la valeur de son Cadillac Escalade, soit 100 000, malgré le fait qu'il ait juste mis 20 000. Consultez votre comptable ou votre fiscaliste avant de prendre toute décision si vous êtes aux États-Unis. Donc ça, c'est une manière d'être capable de comprendre à quel point la fiscalité américaine n'a rien à voir avec la fiscalité canadienne. Il y a des braquettes comme ça. Pourquoi est-ce que ce véhicule-là, en particulier, je l'ai nommé, c'est parce que la braquette 179 fait mousse l'acquisition des véhicules lourds de 6 000 livres et plus. On parle des Yukon, des Suburban, on parle des Tahoe, on parle des Cadillac Escalade, des gros trucks. Pourquoi? Pour stimuler la consommation d'essence aux États-Unis. On est loin en Est du Canada, ou que le Canada entier a moins que la population de la Californie, que le Canada est vide au grand complet, puis qu'on vous donne des politiques nazies prétendant vouloir sauver le climat du Canada, un pays vierge. Il est non exploité, prêt à être cueilli par la Chine. Fait que d'un côté, le Canada ment. De l'autre côté, les États-Unis optimisent. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on comprend un peu l'optimisation fiscale qui se cache derrière les États-Unis, c'est pas juste à savoir c'est quoi ta braquette d'imposition, combien tu payes d'impôts. Par exemple, ici, les taxes en Floride, c'est 7 %. C'est tout. Mais au-delà de ça, quand tu fais tes impôts, comme vous venez de comprendre, il y a 1000 manières d'être capable d'optimiser. Grant Cardone, à la fin de l'année dernière, avait 50 millions en impôts à payer. Son comptable, il a dit « Achète-toi un jet. » Il a fait un chèque à jet. C'est acheter un Learjet. 50 millions. Payé par la compagnie. Une dépense de plus. Combien qu'il y avait d'impôts à payer? 0 $. C'est quoi la décision qu'il avait à prendre? Perdre 50 millions de profits pour payer en impôts ou être propriétaire d'un jet privé. Bien différent du Canada. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui fait 100 000 au Québec est imposé à 53 % d'impôts. Ah, voyez. Là, je vous laisse commencer à calculer et à me donner vos recettes, vos algorithmes. Je fais juste donner le prix du gaz, puis vous êtes 25 à arriver avec 25 chiffres différents. Donc, j'ose croire que vous allez être plein de comptables, de fiscalistes et de bookkeepers à m'enculer d'un virgule. Voici. Quelqu'un qui fait 100 000 par année au Québec va être roughly imposé à 53 %. Ce qui veut donc dire que si tu fais 100 000 et que tu es imposé à 53 %, il te reste 47 000. 47 000 par la suite, c'est ce que tu as pour aller acheter des choses. Ou tu vas être imposé à 15 % de produits et services quand tu additionnes la TPS et la TVQ. Sur 47 000, il va peut-être te rester, disons, 40 000. Puis par la suite, tu as les taxes sauvages, celles de l'essence, celles de l'alcool, la SQDC. Juste l'essence au Québec, c'est des taxes qui n'ont aucun rapport. Ça n'apparaît pas sur ton relevé d'impôt, ça n'apparaît pas sur ton tax return, mais tu l'as bouffé en taxes, sans qu'on te le dise. Par la suite, il y a les taxes sur le recyclage des produits électroniques, sur le recyclage de tes pneus quand tu fais tes changements de pneus. Toutes des taxes cachées qui n'apparaissent pas. Tu vas avoir les taxes liées à ton pays, de t'acheter des bottes d'hiver, de réparer ta souffleuse. C'est pas des vraies taxes, mais c'est des taxes que nous, on n'a pas. Pas besoin de m'acheter de bottes d'hiver. Moi. Je peux porter le même soulier pendant 24 mois. Puis au final, ben, tu vas avoir l'État policier qu'est le Québec, les trappes à tickets, les motocyclistes qui, au lieu de payer, comme en Floride, 400$ pour une saison de 12 mois, vont payer 4000$ pour une saison de 4 mois. Les policiers qui se cachent dans les bretelles d'autoroute, les trappes à tickets, les broches dans les exhausts de motocyclistes, les policiers qui courent après Honda Civic, savoir s'il fait trop de son, trop de décibels. Des tickets de vitesse, des tickets de parking. Ma dernière année sur le plateau Mont-Royal, j'habitais dans le secteur Parthenay, il y avait 3 gros stationnements qui ont été vendus pour faire des tours à condos. Des tours à condos qui avaient 0 espace de stationnement. On a passé d'un différentiel tellement négatif, juste la dernière année que j'ai habité au Québec, j'ai eu pour 4 500$ de tickets de parking. Là, ça apparaît pas dans mes impôts, ça apparaît pas dans mes taxes. Mais je l'ai payé. Donc, après avoir additionné toutes ces dettes sauvages-là, un Canadien, un Québécois qui gagne 100 000 par année, qui est imposé à 53 % qui reste 45 000, qui reste 40 000, qui reste 35 000, il va y rester 25 000, 30 000. Et ça, c'est très, très, très difficile pour l'orgueil. De quelqu'un qui va se pavaner dans la rue en disant « Moi, je gagne 100 000 par année », d'être obligé d'admettre que réellement, après avoir tout calculé ses vraies dépenses, il fait juste 25 000. Peut-être 30 000. Parce qu'encore une fois, ça va dépendre. Combien tu fumes, combien tu chauffes, combien tu gazes, combien tu bois. Évidemment, ça fait fluctuer tes taxes. Aux États-Unis, la même personne qui fait 100 000, elle peut avoir 35 % d'impôts. Puis par la suite, pow! À rendre des déductions fiscales. Là, ça tombe à 25, 15, 10, 0. Ça dépend. Parlez-en à votre comptable, parlez-en à votre fiscaliste. Fait que quelqu'un qui fait 100 000, puis disons, il y a 10 000 de taxes à payer à la fin de l'année. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de free healthcare. Mais toi, tu l'avais-tu l'éducation puis le free healthcare dans ton deal? Ça, le problème, c'est qu'il te reste 25 000 puis tu t'es fait enculer. Parce qu'après ça, tu vas envoyer ton enfant au secondaire, au cégep, à l'université, puis il est obligé d'habiter dans un homeless shelter parce que les frais sont trop élevés. Free schooling, qu'il disait. Mensonge. Tu dis que tu as free healthcare, tu n'as pas free healthcare. Tu as le temps de mourir de ton cancer avant d'avoir un rendez-vous. Les gens qui ont mal à la hanche, ont le temps de la perdre, d'être disloqué puis de tomber en pleine face à terre 8 fois avant de se la faire remplacer. Tu penses que le système de santé, ça inclut les CHSLD, les gardes malades qui prennent soin de ta mère? Il y a cas de COVID, puis après ça, t'as même pas le droit de venir la voir. C'est un système de nazisme. Fait qu'aux États-Unis, si t'étais à 35 % de taux d'imposition, tu rentres des braquettes, ton char, du Milan Entertainment, puis que tu descends, puis qu'à la fin, tu payes 10 000. Il te reste 90 000. D'après ça, on va faire une mise en situation. Disons que tu as 2 enfants que tu vas envoyer au privé, sont au primaire, par exemple, puis que ça te coûte 5 000 piastres par tête. Ah, c'est 10 000. Chris, c'est cher. 90 000 moins 10 000. Il te reste 80 000. Tu es un homme, une femme, marié, tu as tes 2 jeunes enfants, tu cherches des assurances, tu cherches une crise de bonne assurance. Triple gold, triple diamant. Tu es sur le bord à 1500 piastres de plus, ton docteur viendrait prendre ta pression à la maison. Mais tu as décidé de te prendre un petit deal, 10 000 piastres par année. Tabarnak, c'est cher, on n'a pas l'argent pour se payer ça. Je comprends, tu es en train de calculer avec ton 25 000 que tu as au Québec. Avec le 25 000 qui te reste au Québec, tu ne l'as pas le 10 000 pour envoyer ton enfant, tes 2 enfants au privé. Tu ne l'as pas le 10 000. Parce que si tu as le 10 000 plus le 10 000, il te reste 5 000. Calisse. Faut être riche. Fait qu'aux États-Unis, utilisateur-payeur. Tu avais 90 000. Moins 10 000 pour tes 2 enfants à l'école, il te reste 80 000. Moins 10 000 pour l'assurance familiale, il te reste 70 000. Tes 2 enfants sont à l'école privée, puis tu es assuré gold, triple diamant pour toute ta famille. Ton médecin, il te court après. Tu as des prises de sang en 3 mois. Puis il te reste 70 000. US. Moi, là, j'y crois pas à ton calcul, Tristan. OK. Je me suis trompé de combien? De 1 000 piastres? De 2 000 piastres? De 10 000 piastres? T'en enlèves 10 000. 70 000 moins 10 000, il reste 60 000. US. Tes 2 enfants sont au privé. Puis t'as une assurance gold, triple diamant. Ton médecin te court après, t'as des prises de sang 3 mois. Avec 10 piastres de copé en plus. N'importe quelle pilule tu vas acheter, c'est 10 piastres. Tu vas avoir un médecin d'urgence en 10 minutes, c'est 10 piastres. C'est ça que j'ai comme assurance, je peux te le dire. Me rendre un écharpe dans le doigt, je peux rentrer à n'importe quelle clinique d'urgence, des MD, des Quest. Je rentre instantanément, je donne un 10 à la table. Je vois un médecin dans la minute qui suit. Mais ça, j'en ai vu à peu près 3, je te dirais, en 10 ans, de cette manière-là. Pour des blessures mineures, mais l'urgence. Parce que l'urgence aux États-Unis, c'est quand tu as une hache dans la tête. C'est pas parce que c'est ton médecin de famille puis t'en as pas. Contrairement au Québec, tu vas à l'urgence parce que t'as pas de médecin de famille. Non, ici, l'urgence, c'est l'urgence. L'urgence, c'est les ambulances qui rentrent là. C'est pas toi qui vas t'asseoir là pendant 8 heures parce que t'as mal à une dent puis t'as pas de dentiste. Alors, je vous le répète, encore une fois, comme on dit, si tu veux que quelque chose soit fait, demande à quelqu'un d'occuper. Puisque visiblement le bon Dieu a décidé que je n'étais pas encore assez occupé, eh bien, ce qui se passe avec les camps de concentration COVID, les camps de quarantaine dans le secteur de l'Ontario, avec l'appel d'offres des gardes, si vous avez vu, si vous n'avez pas vu le début, je vous invite à rewinder le début de ce live-là pour aller voir de quoi je parle. Ben, je vais consacrer de mon temps, de mon énergie, que je n'ai pas, mais je vais le faire, afin d'être capable de trouver des appuis ici en territoire américain. Un grand pourcentage de chances que je ne sois peut-être pas capable de convertir quoi que ce soit. Mais encore une fois, le devoir m'appelle. Mon nom est Tristan Bavaria. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Si jamais vous avez envie d'entreprendre une transition vers la Floride avant ou après ou pendant les élections, évidemment, je n'ai pas le choix de vous inviter d'écouter la conférence Objectif Floride ou celle axée sur les E2 au www.hamptons-analysis.com. Je le répète, le www.hamptons-analysis.com ou vous nous appelez au 1-800-970-9010, le 1-800-970-9010. Toute notre équipe va conspirer à votre bonheur. On peut vous prendre en consultation et à partir de là, bien évidemment, on vous assistera pour le move, qui est sans doute celui qu'on appellera le move le plus important de votre vie, sur votre transition vers les États-Unis. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. On se revoit très rapidement. Mon nom est Tristan Bavaria, encore et pour toujours. Bonne soirée.